Toi tu penses que c'est parfait. Moi je pense que c'est pas son heure. Mais toi tu penses avec ta tête et moi avec mon cœur. Crois-tu qu'on mérite de mourir quand on n'a pas ce que tu détiens? Le bonheur que toi tu peux vivre quand elle ne vit plus rien. Petite fille fragile, ne grandit plus. Une anorexie qui a voulu partir toute seule. Je vois déjà les marques de ses peines saignent sur mes bras. Toi tu vois en elle une menteuse. Moi je vois combien elle a peur. Mais toi tu vois avec tes yeux et moi avec mon cœur. As-tu déjà rêvé une nuit quelque chose que tu n'as pas toi? Une nouvelle étape dans ta vie quand elle ne vit même pas. Petite fille tragique, ne souris plus. Une anorexie qui a voulu partir ce soir. Je vois encore les larmes de son cœur coulent de mon sachant sa mort. Je voulais qu'elle voie le bonheur. Mais toi tu vis avec ton corps et moi